j'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre école. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas, j'irai pas. Ce projet révolutionnaire qui hante l'histoire moderne reste le seul digne d'être défendu. Et tout d'abord, pour ceux à qui cette ère de la falsification n'a pas fait passer le goût de la vérité, parce que c'est seulement à partir de lui, de ses progrès comme de ses reculs, que l'on peut comprendre le texte social, sinon indéchiffrable de notre époque. Notre but est d'établir ce fait en décrivant correctement, concrètement et dans le détail ce qu'est devenu entre les mains de ces gestionnaires ce que l'on ose à peine continuer à appeler la vie humaine. La vie y manquant, tout autant que l'humanité. Il s'agit donc, formulé en négatif, d'un programme exhaustif pour la révolution qui devra réorganiser l'ensemble des conditions d'existence en héritant de tous les problèmes que la société de classe est actuellement incapable de résoudre. Bienvenue dans J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois. Pour celles et ceux à qui l'ère de la falsification n'a pas fait passer le goût de la vérité, on va rapprocher quelques faits, quelques dates, du désastre qu'a été la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'abord, bienvenue, bienvenue dans cette émission. On est le 1er mai 2024. Et aujourd'hui, on ne va pas parler du 1er mai, mais du 8 mai, et de la célébration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Ça sera un petit coup de gueule en forme de rappel historique, à moins que ce soit un rappel historique en forme de coup de gueule, on verra bien. Si on ne parle pas du 1er mai, on peut rappeler quand même mai 1886 où des ouvriers ouvrières luttent durement pour de meilleures conditions de travail aux États-Unis. Et depuis cette date, les 1er mai seront partout dans le monde une occasion de se rappeler ces luttes faites des travailleuses et des travailleurs. Elle deviendra sous Vichy, avec Pétain, qui n'est pas à une falsification près, la fête du travail. Travail, famille, patrie, France Travail, je vous avais dit qu'on allait rappeler quelques faits des années 40. Voilà qu'on y vient. jouir que d'aller travailler. Je préfère de gambader dans la bruyère, de siffler sur la colline, de dormir sur la plage. Je préfère de retourner la terre, de manier la truelle, le ciseau, le laser, que d'aller travailler, plutôt jouer que d'aller travailler. Je refuse d'être tué à la tâche, affamé au chômage pour cracher du profit. Je préfère de suer sang et eau en choisissant pour qui, pourquoi, où et quand et comment, que d'aller me détruire pour produire des nuisances qui détruisent à leur tour. Si j'escamote un 1er mai, l'occasion de parler du 1er mai, c'est parce que le temps des cérémonies militaires s'épaissit d'une lourdeur telle que ça donne envie de réagir. Bientôt, mercredi prochain, le 8, dans toutes les villes de France, nous, avec des guillemets, dans un fier sentiment de concorde patriotique, placez les guillemets où vous voudrez, fêterons la victoire sur les nazis et donc aussi la libération. Avantage ou inconvénient d'être à la radio, on ne sait pas où je mets les guillemets. Ce sera donc à vous, chers auditeurs et auditrices, de capter l'ironie ou le dégoût dans mes paroles. Il n'y a pas de raison que je me tape tout le boulot. Et puis, en tant que personne ayant encore, peut-être, le goût de la vérité, vous méfierez en premier lieu de ce que je vais vous raconter moi et des conclusions que je tire. C'est bien à l'ère de la falsification la première ligne que je nous engage collectivement à suivre. Encore une fois, la démystification et le goût de la vérité, c'est plus savoureux à plusieurs, c'est plus savoureux de prendre le temps aussi pour le faire. Méfiance donc, si je vous dis que l'École nationale de police a été créée en 1941 sous Vichy, à Saint-Cyr au Mont-d'Or, près de Lyon. Méfiance d'autant plus grande qu'en 2009, on fêtait ses 65 ans. Ah ouais, du coup, on la faisait naître en 1944. Ah tiens, on a oublié que la première promo de cette École nationale de police s'appelait la promo Philippe Pétain. La deuxième promo s'appelait Chiappe, du nom d'un ancien préfet admirateur de Mussolini. Et oui, on a décidé de la faire naître en 1944, après sa, je cite, « refondation républicaine ». Et oui, vous comprenez, avant c'était pas une école républicaine. Donc on l'a fait naître en 1944, comme ça c'est plus simple. Hop, sous le tapis, les années qui dépassent, circuler, il n'y a rien à voir. Police toujours. On ne va pas trop s'attarder sur le cas de M. Papon Maurice. Il est connu puisqu'il était préfet de police pendant le massacre des Algériens à Paris lors de la manif du 17 octobre 1961. Il est aussi connu pour son œuvre du même goût quand il était secrétaire général de la préfecture de Gironde, sous Vichy. Et d'ailleurs, en 1998, il a écopé d'une peine de 10 ans de prison. Il a été condamné à 10 ans de prison pour crime contre l'humanité par rapport aux exactions commises du coup, pendant son mandat de secrétaire général de la préfecture de Gironde, lorsqu'il a fallu déporter pas mal de monde depuis les alentours de Bordeaux jusqu'à Paris, pour les camps en France ou ailleurs. Nous, on ne s'attarde pas trop, mais lui, pour le coup, il s'est bien attardé dans ses fonctions policières. Il est, comme on le voit, resté haut placé, même après la libération, même après le 8 mai 1945. Une fois que la France victorieuse, résistante, se libère de l'oppresseur, eh ben, on a toujours les mêmes préfets, et du coup, je vous laisse mettre les guillemets où vous voulez, encore une fois. Pourquoi je parle de la France libérée de l'oppression ? Parce qu'elle est présentée comme ça chaque 8 mai sur la place publique. L'année dernière, encore le 8 mai 2023 à Saint-Étienne, des lycéens, lycéennes ont entonné le chant des partisans. Puis des collégiens, collégiennes ont dressé le portrait de quelques personnes résistantes qui souvent ont payé de leur vie leur combat. Technologie américaine. Aujourd'hui, il s'appelle Octavio Pedaluerdo et il organise des combats de catch dans toute l'Amérique du Sud. Habile. Oui, sauf qu'il a décidé de faire chanter la France. Il s'agit d'en empêcher ? Non, il s'agit de payer. Bah voilà autre chose. Il a en sa possession le microfilm d'une liste de Français qui ont collaboré avec l'Allemagne nazie. Je comprends de cette voix qu'un microfilm, elle doit être bien courte, sa liste. Détrompez-vous, Hubert. Tout le monde n'a pas votre loyauté. Enfin, Armand, le général de Gaulle n'a-t-il pas dit que toute la France avait été résistante ? En effet, il l'a dit. Il l'a dit. Eh oui. Bon, quoi qu'il en soit, vous partez pour Rio de Janeiro et, en échange du microfilm, vous lui donnez 50 000 francs. Nouveau. Silence gênant dans la scène de OSS 117 où Hubert découvre que peut-être toute la France n'a pas été résistante. Les continuités administratives et politiques entre la France de Vichy et les gouvernements suivants, qu'on retrouve par exemple dans la police, sont systématiquement passées sous silence. Alors non, les CRS n'ont pas été créés par Vichy. Bah non, parce qu'il y a Républicain dans le nom. Compagnie républicaine de sécurité. Elles ont été créées en 1944, en recyclant en bonne partie les GMR. Et là, du coup, il n'y a pas républicain dans le nom. Ça veut dire groupe mobile de réserve, qui, eux, datent de 1941. Mais tout ça, on ne l'entendra pas non plus mercredi prochain à l'Hôtel de Ville. On n'entendra pas non plus, comme on le découvre dans le documentaire « Déserteurs de la Wehrmacht », que les centaines de déserteurs de l'armée allemande qui n'ont pas été exécutés, donc qui ont survécu à la désertion pendant le Troisième Reich, ces centaines de déserteurs ont lutté après le 8 mai 45 pendant des décennies pour retrouver leurs droits civiques. Comment ça ? Bah ouais. Elles ont déserté, du coup, elles ont par exemple plus le droit de vote, elles ont beaucoup moins de droits civiques. Bah ouais, mais c'était quand même l'armée du régime nazi, quoi. Bah ouais, mais elles ont déserté. Bah oui, mais c'était les nazis au pouvoir, les méchants. Donc ils ont eu raison de déserter. Bah ouais, mais faut pas désobéir aux chefs, même s'ils sont pas gentils. L'armée, c'est l'armée. Sans deck. Du coup, on voit dans ce documentaire des débats à l'Assemblée allemande. Et jusque même dans les années 80, il est impossible de redonner le droit de vote, par exemple, ou les droits civiques à ces gens-là, parce que ce sont des déserteurs. C'est assez dingue, non ? Du coup, que même dans les années 80, une fois qu'on s'est rendu compte des atrocités du régime nazi, les personnes qui ont décidé de ne pas y participer en tant que conscrits dans la Wehrmacht n'ont toujours pas de droit civique. Quoi. Comme quoi, la continuité, visiblement, ça marche que dans un sens, que dans le sens du pouvoir, dans le sens de l'ordre. Et puisqu'on parlait de l'armée, revenons en France, où c'est le nom de Gaulle qu'on entendra aussi mercredi prochain. Mais de quel de Gaulle parlera-t-on ? Est-ce qu'on parlera de celui qui a été condamné à mort par Vichy pour trahison ? Celui qui a libéré la France ? Ou celui de la France-Afrique avec Focard ? Ou celui du SAC, le Service d'Action Civique ? Celui qui a mis en place la bombe atomique française, ainsi que ses essais en Polynésie et en Algérie ? Est-ce qu'on parlera du général de la guerre d'Algérie ? Cette ville est absolument magnifique. Et je m'y connais. Ah, bien. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers ? La plupart n'en ont pas. Elle est bonne celle-là, pas de souliers. Ça, j'avoue. Vous savez, Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. Êtes bien sympathique, Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. La France du général de Gaulle. Aujourd'hui, presque tous les politiciens se réclament d'un certain gaullisme. Cette fois, on met les guillemets à un certain gaullisme. Ils s'en réclament sans aucun problème. C'est pratique puisque c'est un homme sur lequel on colle volontiers cette étiquette de libérateur. Et la liberté devant l'oppression, a priori, on est facilement d'accord. Donc, on l'emploie à tire-larigot chaque 8 mai. Mais la liberté n'a pas l'air d'avoir eu le même goût pour tout le monde. Le 8 mai 1945, c'est aussi le 8 mai 1945, pardon, c'est aussi le jour où à Sétif, Guelma et Kerata en Algérie, la police tire sur la foule rassemblée pour elle aussi fêter la victoire des Alliés. Mais aussi rappeler leur volonté d'indépendance de l'Algérie. Des échauffourées du 8 mars s'en suivront, s'en suivront de véritables massacres lorsque, par un télégramme du 11 mai, De Gaulle ordonne l'intervention de l'armée qui mènera une répression violente contre la population. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité et quand je suis ses bras, rien ne peut m'arriver. La terre peut bien s'écrouler. Moi j'aime galonner des compagnies républicaines de sécurité. Je n'ai pas peur car en dehors des heures de boulot, il est doux comme un agneau. Il est doux comme un agneau. À la fin de cette répression impitoyable, violente et humiliante, on comptera 102 morts parmi les Européens. Et on ne comptera pas le nombre de victimes algériennes. Le nombre de ces victimes n'a jamais été vraiment élucidé. Wikipédia nous dit qu'il y a eu entre 3000 et 30 000 victimes de la répression autour du 8 mai 45 en Algérie. Ce qui est énorme. Tellement énorme que dans la région de Guelma, les autorités voulant faire disparaître les corps ne trouvent rien de mieux à faire que de les transporter et les brûler dans les fours à chaud. C'est ça aussi le 8 mai 1945, mais bizarrement, on n'en a pas entendu parler le 8 mai 2023 dans la bouche du préfet de la Loire. Il a préféré parler de l'opération néocoloniale Wambushu à Mayotte et décorer un gendarme. Alors le 8 mai 2024, je ne sais pas quelle sera la teneur des discours, mais je sais qu'à 11h, place du peuple, il y aura des personnes qui aimeraient rappeler justement les massacres de Sétif. C'est déjà un début de résistance au discours univoque du pouvoir qui, on le voit, s'arrange avec l'histoire quand ça lui chante. D'où l'envie de ce coup de gueule. Il faudrait beaucoup plus de temps pour faire de l'histoire et c'est pas tout à fait le but. Le but, lorsque je mets bout à bout quelques faits, c'est déjà de montrer que les façons de présenter les époques sont multiples selon ce qu'on choisit de mettre en avant. Mais ça, n'importe quel prof d'histoire au collège vous l'a déjà dit, non ? Mais surtout de montrer que des moyens considérables sont mis chaque année sur l'espace public pour faire exister une version militariste, une version glorifiant l'héroïsme de dirigeants

une autre chanson officielle de la Légion, empruntée à leur petit camarade Waffen-SS venu s'y enrôler en nombre après 45. Ah oui, bah il y avait encore des SS après le 8 mai 45. Eh ben, pas mal se sont enrôlés dans la Légion étrangère. Ce mercredi 10 avril, à 10h30, place Jean Jaurès, c'était la cérémonie des képis blancs. Qu'est-ce que c'est que les képis blancs ? Les képis blancs, c'est le surnom donné aux légionnaires du nom de leur képi, avec des guillemets, blanchi sous le soleil d'Afrique. Créée en 1831, la Légion étrangère a toujours été destinée à agir à l'extérieur du royaume. Son principal fait d'armes étant sa participation à la colonisation de l'Algérie. Elle siégera d'ailleurs à Sidi Bel Abbès jusqu'en 1962. Et ouais, donc il y a eu une commémoration de la Légion étrangère le 10 avril, place Jean Jaurès, à Saint-Étienne. Alors ça continue le texte. Le 26 janvier dernier, plus de 140 industriels de l'armement se réunissaient à la Cité du Design pour entrevoir ensemble les opportunités qu'ils pourraient tirer des embrasements un peu partout dans le monde. Alors ça, on en avait déjà parlé à l'époque, dans l'émission de février, je pense. En plus de Rochat, ancien officier de l'armée de terre, puis contrôleur général des armées, avant d'être préfet de la Loire. Ah oui, c'est pour ça qu'il aime bien nous parler de l'armée. En plus de Rochat, du coup, de Gassiou, député du Rhône, mais aussi président de la commission de la défense nationale et des forces armées, en plus de lui, de Gassiou et des industriels, on trouvait Denis Mistral, ancien chef de corps du 4e régiment étranger de Castelnaudary, puis général commandant la Légion étrangère et désormais gouverneur militaire de Lyon. Vu le palmarès d'un tel gratin local, on comprend mieux pourquoi c'est à Saint-Étienne, qui n'a pourtant pas de caserne, que les bidasses du 4e régiment étranger de Castelnaudary sont venus jouer de la trompette et aérer leur drapeau moisi. L'uniforme à l'école, le SNU quasi obligatoire, une loi de programmation militaire à 413 milliards d'euros, le décret du 28 mars 2024 prévoyant la réquisition d'usines et personnels pour la production d'armes, ce sont autant de sons de cloche qui annoncent à la fois les priorités du gouvernement et un avenir très sombre. Par ce genre de cérémonie militaire dans l'espace public, et après quelques sordides campagnes publicitaires de recrutement, on voit bien que l'armée tente de soigner son image. Pourtant, le nombre de guerres et de massacres étant malheureusement ce qu'il est, il n'est plus possible d'ignorer que ce sont les dirigeants qui déclarent les guerres et tous les autres qui subissent viols, massacres et bombardements. Nous savons aujourd'hui que les industriels n'ont aucun scrupule à vendre leur camelot à n'importe quel camp, pourvu que ça rapporte. Ce jour-là, et au même moment, une petite vingtaine de personnes se sont retrouvées place Jean Jaurès, ont chanté des chants antimilitaristes ou déployé des banderoles contre la propagande militariste. Certes, rapidement éloignés par les flics, c'était un petit pied de nez au désastre guerrier, à leur barnum « information recrutement » et à la mise en scène de la hiérarchie, de l'honneur et de la bravoure viriliste. À bas la guerre, à bas l'armée et sa propagande. Donc voilà, c'est un texte qu'on peut retrouver sur le numéro 0.info qui parle de cette cérémonie militaire qui a eu lieu à Saint-Thé le 10 avril au matin à 10h30, place Jean Jaurès, la cérémonie des képis blancs. Et en regardant sur le site des anciens amis de la Légion étrangère, on peut voir toutes les belles photos avec tous les bidas qui sont après accueillis en préfecture, à l'hôtel de ville, pardon, pour boire un petit coup. Voilà, pour boire un petit coup et peut-être qu'ils ont chanté leurs chansons favorites, qui sont reprises aussi par un groupe de musique néo-nazi qui s'appelle Légion 88 et qui reprend aussi cette chanson « J'avais un camarade » dans un album qui a un nom sordide aussi, un nom bien raciste. Je crois que c'est, l'album il s'appelle « Révolte blanche » ou un truc comme ça. Allez, on passe à un petit morceau de Jean Jonas. Et après, ce sera la transition pour un petit moment sur les actualités à propos du militarisme ou de l'antimilitarisme. À bientôt sur Radio Dio. c'est qu'un flic de Paris, c'est qu'un flic de Paris. T'es la flicaille des gens honnêtes, avec un œil dans nos assiettes, tu fais le beau pour sortir d'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures, que tu fais toi sur nos voitures, autant qu'ils visent les monuments, que toi t'évites les gouvernants. T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'as de l'avancement qui se croise les bras dans les idées lorsque t'en as. Tu couches à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour te faire du bien. Comme une peau d'âne qui aurait pas tout, et de la pèlerine et rien en dessous, de la baudruche assermentée gonflée au vent de la société. Bref, un flic de Paris, bref, un flic de Paris. Dans le panier de la connerie, tu vas taper sur les gars qui n'ont pas voulu marcher tout droit et que ton odeur n'impressionne pas. Tu me diras que tu fais ton boulot, que t'es pas payé pour le cerveau. Heureusement qu'on ne paye pas pour ça, parce que sinon tu boufferais quoi? T'es les flics de Paris, t'es les flics de Paris. Depuis que t'as prononcé tes vœux, tu as l'esprit qui boite un peu, moitié par les coups du regret, moitié par les coups de Beaujolais. Si tu fous tes amis au clou pour un danger qui te sert le coup, garde le ridicule qu'on te donne, c'est le seul au moins qui ne tue personne. Même les flics de Paris, même les flics de Paris. Chez toi quand on pose des questions, c'est pas un coup de conversation. Même quand t'interroges le bon Dieu, il ressort jamais avec des bleus. T'as la manière de te rendre utile en uniforme ou en civil. T'as beau bouffer du gargantua, t'es jamais qu'un larbin de l'État. Et un flic de Paris, et un flic de Paris. Enveloppé de ta sépulture, on sortira de la préfecture pour un petit coin à concession où l'on fera pousser des bâtons. En attendant, tu fais des petits qui bougent le soleil de Paris pour que continue la synthèse de cette spécialité française. Quel flic de Paris, quel flic de Paris. On va passer aux actualités. Alors, on avait récolté une petite salve d'articles dans Le Monde qui sont datés du 17 avril, puis du 18 avril, puis du 19 avril. Je vous lis juste les titres. On va en parler un peu plus, à peine plus, mais les titres sont déjà éloquents. 17 avril, Le Monde, armement, deux points. Comment l'industrie française se mobilise ? Et à la lecture de l'article, on voit un petit tour d'horizon de boîtes que l'État courtise pour soit qu'elles relocalisent leur production, soit qu'elles accélèrent leur cadence. 18 avril, Le Monde, Bourges, deux points, MBDA recrute à tout va. Et ouais, MBDA, du coup, c'est ce missilier. On dit missilier pour les usines qui fabriquent des missiles. Voilà, donc dans la région de Bourges, apparemment, on cherche même des places en crèche pour attirer tous les gens qui voudraient venir travailler pour le missilier qui accélère ses cadences. Et enfin, 19 avril, réserve militaire, deux points, Le Cornu appelle les entreprises au patriotisme. Et alors celui-là, on peut faire des petites punchlines de Le Cornu qui appelle à une forme de patriotisme du capitalisme français. Mais alors réserve militaire, ça veut dire quoi ? Bon, alors les deux premiers articles, ils parlent des industriels, hein, qu'il faut qu'ils augmentent leur cadence ou qu'ils relocalisent. Ils parlent par exemple de Bergerac où une nouvelle usine va réouvrir, celle qui fabriquait la poudre, celle qui fabriquait les explosifs, qui a été délocalisée en Suède et qui revient en France. Et du coup, c'est une grande fierté de pouvoir produire ses propres explosifs, voilà, pour faire péter un peu partout dans le monde, on imagine. Et voilà, après il y a l'article qui parle de MBDA, de fabrication de missiles, toujours pareil. Et le dernier, donc le 19 avril, donc le troisième jour de cette salve d'articles consacrée à l'armement, Le Monde nous parle de des réservistes. Et du coup, en fait, Le Cornu, du coup, ministre de l'armée, invite les employeurs à signer des conventions de partenariat avec la Garde nationale pour faciliter la mobilisation des réservistes. Parce que l'article nous explique que jusqu'à présent, les personnes qui étaient réservistes, lorsqu'elles faisaient un entretien d'embauche, ne disaient pas forcément qu'elles étaient réservistes, parce que ça voudrait dire qu'ils doivent être disponibles pour l'armée et aussi disponibles quelques jours par an et donc indisponibles pour le travail. Et donc, l'idée, c'est de faire signer des conventions avec des entreprises pour qu'elles acceptent que leurs employés puissent louper en quelque sorte des jours de travail et de voir si les entreprises plus ou moins patriotes seraient prêtes à libérer leurs salariés. Par exemple, Veolia s'est engagée à libérer ses salariés 15 jours par an avec maintien de la totalité de leur salaire. Chez Bouygues, qui doit être un petit peu moins patriote, c'est 10 jours avec réduction de 50% du salaire. Thalès négocie un nouvel accord portant sur 20 jours. Voilà. Et du coup, et certaines collectivités locales ont accepté une mise à disposition pouvant aller jusqu'à 30 jours par an. Et alors pourquoi Le Cornu se déplace ou essaye de draguer un peu les boîtes pour qu'elles puissent accélérer la formation de ces réservistes? Eh bien parce que c'était une promesse de Macron et c'était dans la loi de programmation militaire de doubler la réserve, de passer de 40 000 à 80 000 personnes qui seraient réservistes des armées d'ici à 2030. Donc, il faut motiver aussi les entreprises à pouvoir libérer leurs employés pour que ces employés fassent le boulot pour l'armée. Voilà le dernier des trois articles consacrés à l'armement dans Le Monde. Il y en a à peu près tous les jours, hein, mais là, je trouvais que c'était une salve qui méritait d'être rapportée. Voilà, et puis c'est aussi parce que on parlait dans le texte qu'on a lu tout à l'heure sur la Légion étrangère de ces industriels, ces 140 industriels qui se sont rassemblés en début d'année à la Cité du Design à Saint-Étienne pour parler d'armement et des magnifiques opportunités qu'ils pourraient avoir dans ce domaine. Et d'ailleurs, en parlant d'opportunités et d'armement, le CIPRI nous parle donc qui est basé à Stockholm, là, le centre international de recherche sur la paix de Stockholm, nous a livré le 22 avril dans un communiqué de presse le fait que le total des dépenses militaires mondiales s'élève désormais pour 2023 à 2443 milliards de dollars. Et l'Observatoire des armements nous dit que c'est une augmentation de près de 7% par rapport à 2022. Il s'agit de la plus forte augmentation d'une année sur l'autre depuis 2009. Et voilà, du coup, ça a un contexte d'escalade des tensions et d'insécurité qui est assez sombre. Je me répète un peu. Et alors vu qu'on parlait d'écrire l'histoire ou de falsification ou de mystification, on m'a parlé d'un professeur syndiqué à Sud qui bénéficie d'une vague de soutien. Alors avant de bénéficier d'une vague de soutien, que s'est-il passé ? Alors, il a été visé par une plainte de Gérald Darmanin pour insulte, injure publique à l'encontre de la police et de la gendarmerie. Qu'a donc-t-il fait ? En fait, il est directeur de publication d'un journal syndical de sa fédération. Et dans un article, il décrit ce que sont les classes défense et sécurité globale, en critiquant le fait que des non professionnels de l'éducation viennent faire de l'éducation civique au collège. Et donc, voilà. Et en fait, là où la plainte a été faite, c'est qu'ils parlent de dérives qui existeraient au sein de l'armée ou de la police qui viendraient dans ces classes défense. Ils parlent de dérives en citant, a priori, des articles de Mediapart qui documentent bien les dérives idéologiques de certaines personnes dans l'armée et la police. Et du coup, ça n'a pas plu à Gérald Darmanin, qui a déposé plainte pour diffamation et injure publique à l'encontre de la police et de la gendarmerie. Et donc, il a été convoqué au commissariat de Brest le 19 avril. Bon, après ça, qu'on a l'impression qu'on veut faire taire un syndicaliste, bah, du coup, après ça, il a bénéficié d'une vague de soutien et on pourra l'entendre, peut-être il y a une petite interview, on pourra l'entendre peut-être en fin d'émission si on a le temps. En attendant, j'avais envie de passer cette chanson. Sans avoir pu mûrir, comme le fruit tombé sans avoir pu mûrir, la faute à l'homme, la faute au vent, comme l'homme qui sait en se voyant mourir, qu'il n'aura plus jamais de temps. Un jour des pluies, il aurait pu chanter, faute au destin, faute à la chance, faute à ses cordes qui s'étaient cassées. Son chant s'appellera silence, il peut toujours le commencer. Nul ne viendra jamais danser, nul ne le reprendra en cœur. Il n'aura jamais rien fini, à part cette blessure au cœur et cette vie. Pourquoi, je voudrais savoir pourquoi, pourquoi, elle vient trop tôt la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. Comme ces disputes commençaient le soir, faute à la nuit, faute à l'alcool, et dont il ne restera rien plus tard que quelques mégots sur le sol. Il aurait tant voulu frapper, pourtant, faute au couteau, faute à la peur. Il n'aura fait aucun combat au sang, juste le temps d'un peu de sueur. Lui qui aurait voulu tout savoir, il n'aura même pas pu tout voir. Lui qui avait l'amour au corps, pour la seule qu'il aurait gardée, il a rendu sa barque au port. Sans l'embrasser, sans la toucher, juste y penser jusqu'à la mort. Pourquoi, je voudrais savoir pourquoi, pourquoi, elle vient trop tôt la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. Il écrivait comment on se sort d'un piège, faute au soleil, faute au tourment. Mais comme il prenait pour papier la neige, ses idées fondaient au printemps. Et quand la neige recouvrait sa page, faute au frimas, faute à l'hiver, au lieu d'écrire, il essayait courage d'attraper les flocons en l'air. Mais aujourd'hui, il est trop tard, il n'aura pas pris le départ, et son souvenir ne sera que la chanson d'avant la lutte, de l'évadé qui n'aura pas atteint son but. Pourquoi, je voudrais savoir pourquoi, pourquoi, elle vient trop tôt la fin du bal. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on qu'on arrête en plein vol. C'est les oiseaux, jamais les balles, qu'on arrête en plein vol. Alors, puisque ce professeur Olivier Cuzon critiquait les classes défense et sécurité globale, si vous voulez en savoir plus, on en avait fait une émission, je pense que ça doit être la quatrième émission de J'irai pas, qui parlait des classes défense et sécurité globale avec un petit palmarès de l'état-major des armées qui nous livrait tout un petit dossier pour expliquer comme quoi c'était trop génial, les classes défense. Et donc, puisqu'il a été censuré en parlant de ça, en fait, enfin censuré, en tout cas, il y a eu une plainte, quoi. Quand c'est le ministre de l'Intérieur qui dépose une plainte contre toi, je pense que ça doit être un peu dur, et heureusement qu'il a du soutien. Et donc, puisqu'il parle de la jeunesse, on peut parler du SNU, encore une fois, le SNU, Service National Universel, pour lequel l'Académie de Lyon se félicite qu'il y ait de plus en plus de places réservées pour leurs différents stages du coup d'avril et que du coup les personnes qui ont postulé pour le SNU seront accueillies dans la région plutôt que de quitter la région. Elles seront accueillies dans la région parce qu'il y a plein de centres qui peuvent les accueillir. Et voilà, donc l'Académie de Lyon se félicite de la réussite du dispositif SNU qui jusqu'alors n'avait pas vraiment pris. Et il semblerait que ça marche. Alors elle ne dit pas que bientôt il y aura un espèce de chantage à la semaine de stage, que si tu ne fais pas ton stage en entreprise, qui est obligatoire, tu peux compenser en faisant le SNU, quoi. Et du coup, c'est une manière de rendre obligatoire pour une certaine catégorie de jeunes le SNU, finalement. Voilà, ça, l'Académie de Lyon ne le dit pas. On parlait de falsification, de mystification. Il faut maîtriser ce qui est dit dans les petits journaux syndicaux, par exemple, ou ce qui est dit sur l'Académie de Lyon. C'est pas pareil. Et justement, tant qu'on parle de discours, j'avais une devinette, mais elle est facile parce qu'à chaque fois, c'est Emmanuel Macron la réponse. J'avais une devinette, du coup, c'était de deviner qui avait dit ceci. Cet accord aux frontières, pour la première fois, permet d'améliorer la maîtrise de nos frontières en instaurant des procédures obligatoires d'enregistrement et de filtrage systématique à nos frontières extérieures pour identifier ceux qui sont éligibles à une protection internationale et ceux qui devront retourner dans leur pays d'origine et améliorer les coopérations au sein de notre Europe. Du coup, la réponse est Emmanuel Macron. De quand date ce discours? Il date du 25 avril 2024. C'est le discours sur l'Europe qui est un peu long, mais dans lequel on peut trouver quelques perles. Du coup, puisqu'on parlait de libération de la France, du système nazi, on n'est pas à une comparaison près. Et moi, le filtrage systématique aux frontières, ça me fait penser un peu à du tri humain. Et vu qu'on parle des frontières, et il en parlera plus loin lui-même du dispositif Frontex, on apprend que l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri, rejoint la liste de Jordan Bardella aux élections européennes. Il serait troisième sur la liste, en troisième position sur la liste de Bardella. Du coup, ça en dit long sur les accointances avec le système de gestion, de filtrage systématique des frontières et l'idéologie qu'il y a derrière. Voilà. Une petite brève qui nous parle de Frontex, de la liberté, de la libération et du tri humain. Et une autre citation du même discours qui parle d'autre chose, puisque Le 25 avril, c'était le discours sur l'Europe. Le 26 avril, c'était l'anniversaire de l'explosion du réacteur Lénine dans la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et ben, la veille de l'anniversaire de ce désastre nucléaire, il parle du nucléaire, mais de l'arme nucléaire. Enfin, il va parler de l'énergie nucléaire comme une énergie décarbonée aussi. Et alors, il nous dit ceci. Nous devons être crédibles, dissuadés, être présents et continuer l'effort. Mais cette guerre, engageant une puissance dotée de l'arme nucléaire et qui utilise celle-ci dans sa rhétorique, n'est sans doute que le premier visage des tensions géopolitiques avec lesquelles l'Europe doit apprendre à vivre. C'est pourquoi nous sommes en train de vivre un changement très profond en termes de sécurité. Les événements les plus récents ont démontré l'importance des défenses antimissiles, des capacités de frappe dans la profondeur, qui sont indispensables au signalement stratégique et à la gestion de l'escalade face à des adversaires désinhibés. Désinhibés, c'est des adversaires qui ont des armes et qui ont l'intention de s'en servir. Du coup, ça illustre un peu ce que c'était la dissuasion nucléaire. Et puisqu'on a dit, est-ce qu'on l'a dit, que c'est De Gaulle qui avait lancé la création du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, pour avoir la bombe atomique française. Oui, je pense qu'on l'a dit quand on se demandait de quel De Gaulle on parlait. Le même qui a du coup, le même institut qui du coup a permis la création de la bombe et donc a permis les essais nucléaires en Algérie, en Polynésie. Oui, il me semble que je l'ai dit. Et du coup, la rhétorique de la dissuasion a l'air de pas trop bien marcher puisque là, du coup, on nous dit ah bah en fait, ce sont en parlant de la Russie, hein, que c'est un pays qui a la bombe atomique et qui serait capable de s'en servir. Bah allons bon, bah oui. Donc il faut des missiles, anti-missiles, etc., etc. Donc on voit que l'escalade guerrière, bah, elle vient des armes, tout simplement, et que nos dirigeants rentrent bien dans cette rhétorique. En parlant de la guerre toujours, il nous parle de la nécessité de la guerre, de la défense, en vantant l'industrie militaire. Et nous présentant la guerre comme une fatalité, quoi. Voilà, donc ça c'était le discours, il dure 2 heures, hein, mais c'était des petites perles dans le discours d'Emmanuel Macron le 25 avril, juste avant l'anniversaire de Tchernobyl. Et il me semble qu'on a fait le tour un peu des actus nationales, enfin en tout cas de ce que j'avais sélectionné du côté militariste. Alors du côté antimilitariste, il y a à Prague, en République tchèque, une semaine contre la guerre capitaliste et la paix capitaliste qui se déroulera du 20 au 26 mai 2024. Voilà, un agenda. Si vous n'avez rien prévu dans les 3 prochaines semaines, entre le 20 et le 26 mai, il y aura une espèce de rencontre entre du coup des gens anticapitalistes, révolutionnaires, anarchistes à Prague entre le 20 et le 26 mai, semaine d'action contre la guerre capitaliste et la paix capitaliste. Et une info un peu plus locale, on apprend que hier a été débloqué, alors on l'apprend dans Le Progrès, le voici. On apprend qu'hier a été débloquée l'antenne stéphanoise de Sciences Po Lyon, qui avait été bloquée depuis avant-hier, et du coup qui a été débloquée par les flics. Et c'est des personnes qui ont décidé de bloquer cette antenne en solidarité, enfin pour demander un cessez-le-feu en Palestine, et en solidarité avec le campus parisien qui occupait aussi Sciences Po à Paris. Voilà, j'ai pas plus d'infos que les médias mainstream que ça sur cette action. Voilà, bah peut-être qu'on va clore cette émission par une petite chanson. Ouais,